son extase, telle une impie ambroisie. Et le canard qui rit, la nostalgie. Je veux et pourtant ne désire point quitter ces baisers, abandonner notre hérésie glacée. Consumé par des nuits d'agonie ardente, je lustre sa peau à l'aube brûlante. Mon cœur aspire à fuir son étreinte, mais ma jeunesse en elle se consacre. Je fuis pour éviter d'être son bourreau, être que le lit qui en s'embrûlait, pour une esclave barbare et sans terre, renonçant à ses prairies, à ses. À aimer sans règle, si l'on m'avait dit que l'âge, telle la beauté, est éphémère, si j'avais su pressentir que ces nuits de passion jamais ne s'effacent.